Contes et légendes de la Manche, Cherbourg. La rebête et le hibou. Les hommes étant encore dans l'état sauvage et ne sachant subvenir à leurs besoins, l'un d'eux s'était, par un temps froid et humide, appuyé contre une haie, grelottant tristement et ne pouvant manger les âcres aliments que lui fournissait la nature. Perché sur une haie voisine, une rebête le regardait piteusement. Elle aurait bien voulu partager avec lui les plumes qui l'abritaient, mais l'homme était si grand et elle si petite. Il lui surgit tout à coup au cœur un projet immense. Dans son petit corps s'alluma d'un grand courage. Elle avait résolu d'aller elle-même au ciel implorer Dieu en faveur de sa créature. Au ciel, c'était bien loin pour la pauvrette. Aussi vola-t-elle 4 jours entiers avant d'arriver. Et le cinquième, elle vint tomber, haletante et inanimée, sur le giron de Dieu. Le Seigneur en eut pitié. Il la prit dans ses mains, la réchauffa, la ranima de sa voix puissante et lui demanda la cause d'un si long voyage. L'oiseau lui raconta les souffrances de l'homme. Dieu se laissa attendrir par elle et lui confia le feu qui devait mettre un terme à toutes ses misères. La rebête revola vers la terre, heureuse de son succès. Dieu lui avait bien recommandé d'aller doucement, de peur que, excité par la résistance de l'air, le feu ne lui fît du mal. Mais la bonne oiselle était si pressée d'arriver qu'elle oublia la recommandation, et ses plumes, ces jolies plumes dont elle était si fière et qui lui faisaient tant d'abri, ces jolies plumes furent brûlées. Riche du présent de la rebête, l'homme ne tarda pas à découvrir l'usage qu'il pouvait tirer du feu pour se réchauffer, faire cuire ses aliments et se soumettre à la nature. Mais privé de son vêtement par trop de générosité, l'oiseau grelottait à son tour. Ses frères, les autres oiseaux, s'en aperçurent et, saisis de compassion, ils résolurent de donner chacun une de leurs plumes pour revêtir l'infortuné. Cela fut fait immédiatement. Mais là, comme partout, il se rencontra un égoïste, le hibou, qui refusa de participer en rien à l'œuvre charitable. Les oiseaux en furent si indignés qu'ils se précipitèrent sur lui et à grands coups de bec, ils le chassèrent de leur assemblée. Depuis cette époque, le hibou vit seul, retiré pendant le jour dans les creux des murailles et n'osant sortir que la nuit. Mais cette retraite n'a pu désarmer la juste colère de ses frères ailés, car aujourd'hui encore, si pour un moment il veut braver la honte que devrait lui occasionner sa mauvaise action et s'aventure au milieu de ceux qui ne veulent plus le reconnaître, le peuple oiseau l'en fait ressouvenir en s'assemblant autour de lui et le poursuivant de ses huées et de ses coups de bec jusqu'à ce qu'il se soit réfugié dans le trou qu'il ne doit plus quitter à la face du soleil. Jean Fleury, Tradition populaire des environs de Cherbourg, 1841. Lu par Sabine, pour Audiocité, sous la licence Art libre.